dans un grand couloir, sifflant un veilleur de maïs. Dans cet hôtel, déjà plongé dans le noir, dans cette chambre bordée par le vice, je compte les battements réguliers de ce métronome mille fois plus organique que n'importe quel organe répertorié dans la liste de n'importe quel scientifique. La pluie n'est plus ce qui mouille le plus, et le couloir est déjà bien dépassé. Évite tous les regards que tu peux croiser, des bassins n'ont plus de vagues que sur la planche, l'odeur de sexe et de cigarette à remontonner, les vierges regardent et elles flanchent. Et elles flanchent. Mélodie, les hommes me disent, une seconde de plus ici au fond du camp, même accompagnée